18-17, activation orale, pronom accentué. Révision. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... Oh, où vas-tu? Et vous dites... Bah, chez moi. Allons-y. Deux. Où va Jean-Pierre? Bah, chez lui. Trois. Où vont-elles? Chez elle. 4. Où allez-vous toutes les deux? Bah, chez lui. 5. Où vont-ils? Chez eux. 6. Et nous, où est-ce que nous allons? Bah, chez vous.